Je sais qu'on n'a pas fait tout le chemin, qu'on n'a pas pris le bon destin que l'on voulait. Au fond, je ne regrette aucun aveu, pas de mystère entre nous deux, aucun regret. Seuls les instants présents sont pour nous deux un grand secret. Et je sais que l'océan est pour nous deux. Et si l'amour me joue un tour, je ferai tout pour notre amour. Je t'aime, t'aime tellement pour longtemps. Oh, je t'aime, t'aime tellement. Je sais qu'on n'a pas vu venir ces doutes, qu'on n'a pas su croire en l'amour que l'on avait. Pourtant, à trop vouloir aimer sans fin, à trop donner sans lendemain, on n'est rien. Seuls les instants présents sont pour nous deux un grand secret. Et je sais que l'océan est pour nous deux. Et si l'amour nous joue un tour, nous ferons tout pour notre amour. Oh, je t'aime, t'aime tellement pour longtemps. Je t'aime, t'aime tellement. Et si l'amour nous joue un tour, nous ferons tout pour notre amour. Oh, je t'aime, t'aime tellement pour longtemps. Et si l'amour nous quitte un jour,